Le porte-parole du comité de mesures d'urgence de la République populaire démocratique de Corée pour sauver les victimes de l'enlèvement a publié le 10 août une communication à propos de la démarche des autorités sud-coréennes qui recourent à la conspiration malsaine et ignoble pour se débarrasser du problème de renvoi des citoyens de notre République détenus de force en Corée du Sud. Il note, entre autres, les autorités sud-coréennes cherchent à rejeter notre demande pour le renvoi des 12 citoyennes nord-coréennes kidnappées en avril de l'année passée à l'étranger et emmenées de force en Corée du Sud. À cette fin, elles tentent de les marier de force pour tramer l'affaire comme si elles s'y sont établies selon leur propre volonté et mènent une vie stable. C'est là un crime ultra-géant intolérable et une nouvelle provocation politique contre notre République. La conduite des actuels gouvernants sud-coréens est tout à fait identique à l'atrocité perverse impardonnable commise par la bande des traîtres de Bakune qui ont kidnappé en plein jour les citoyennes nord-coréennes. Les autorités sud-coréennes pensent qu'elles peuvent dissimuler le dossier criminel de l'enlèvement de nos citoyennes et écarter le problème de leur retour avec un tel complot lâche. Mais c'est un calcul erroné bien stupide. Plus elle recourt aux petites ruses avec des prétentions absurdes pour rejeter le renvoi de nos citoyennes, plus seront redoublées notre indignation et la demande de renvoi de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Et la responsabilité de toutes les conséquences retombera entièrement aux autorités sud-coréennes. À cette occasion, nous précisons une fois de plus qu'avant le renvoi inconditionnel de Kim Lyon-hui et des 12 autres citoyennes nord-coréennes, il n'y aura jamais la collaboration humanitaire intercoréenne comme les retrouvailles des familles et proches dispersés. Si les autorités sud-coréennes désirent vraiment la solution des problèmes humanitaires intercoréens, elles doivent renvoyer le plus tôt possible nos citoyennes dans leur patrie socialiste où attendent leurs familles, au lieu de recourir au complot anachronique.